Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grandes articulations. Un nouveau sommet des négociations entre Burundi est prévu à Arusha en Tanzanie du 9 au 12 juillet prochain. Le président de l'OLUCOM, Gabriel Rufyiri, un des invités, demande d'ores et déjà que soit mis en avant l'intérêt général de la nation. Un magistrat du parquet de Kirundo au nord du pays est sous les verrous depuis hier dimanche. Le procureur de la République, près la cour d'appel de Ngozi, confirme la détention. Dieudonné Nzeyimana nous en dira mieux dans cette édition. Les habitants de la colline Mukara, en commune Emugamba de la province de Bururi, ont passé la nuit dernière sous tension. Des tirs nourris y ont été entendus. Des sources sur place indiquent que c'était des militaires qui étaient à la poursuite d'un homme inconnu qui les a inquiétés. Sécurité encore, on vous parlera d'un motard qui a été retrouvé mort ce lundi matin sur la colline Kidiama, en commune Gasorwe de la province de Muyinga, au nord du pays. Et un nouveau-né a aussi été retrouvé mort également hier dimanche sur la colline Utavuka, dans la commune Lugazi, en province de Bubanza. Et puis, la mairie de Bujumbura tranquillise sur la pénurie du sucre sur le marché. Ce produit pourra désormais être disponible à partir de mercredi. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Un nouveau sommet des négociations inter-burundaises est prévu du 9 au 12 juillet à Arusha en Tanzanie. L'information est confirmée par certains des participants qui indiquent avoir déjà reçu des invitations. C'est notamment Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, qui demande aux protagonistes de viser l'intérêt général de la nation lors de ses assises. Suivez-le. Il a été joint au téléphone par Mireille Kanyang. L'OLUCOM a reçu l'invitation. Le principe de l'OLUCOM, nous demandons à ce que tout le monde participe. Dis-moi, toutes les personnalités qui ont un mot à dire participent dans le dialogue. Quand le médiateur clôturait la dernière séance à Arusha, il avait demandé à tous les participants de partir là-bas avec des documents qui contiennent des idées concises, claires, précises, avec des propositions. Pour ce qui concerne l'OLUCOM, nous sommes prêts, on est préparés. Les questions qui sont là, vous les connaissez, c'est la question de violation des lois, c'est la question de la pauvreté, la misère galopante qui hante les Burundais, ce sont les violations des droits de l'homme, les prisons qui regorgent des citoyens encore actifs qui devraient normalement travailler. Il y a tant de problèmes qui sont là et qui méritent des solutions claires. Le Burundi qui est classé le dernier pays le plus pauvre du monde va demeurer éternellement si réellement ceux qui sont devant les autres ne se comportent pas comme des leaders. Toutes les parties qui vont participer dans ce dialogue doivent partir avec un cœur de construction, un cœur de paix qui vise le développement et la stabilité du pays. Ce nouveau rendez-vous de négociation est confirmé au plus haut sommet par l'assistant du médiateur, Makocha Tembele, l'a posté sur son compte Twitter. Un magistrat au parquet de Kirundo est détenu à Ngozi depuis dimanche. Le procureur de la République, près la cour d'appel d'Ngozi, confirme la détention de M. Ildefonse Ndikungami, poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, Dieudonné Nzeyimana. Le magistrat Ildefonse Ndikungami est détenu à Ngozi depuis dimanche. C'est le procureur du parquet près la cour d'appel de Ngozi qui est parti le prendre à Kirundo où il prestait. L'arrestation de ce magistrat a eu lieu à Kirundo vers 20h de samedi, d'après des sources sur place. Les policiers civils qui ont arrêté le magistrat sous poursuite l'ont accusé de diffuser des tracts outrageants envers le chef de l'État. Certains des proches du magistrat étranglés croient à un montage. Par ailleurs, certaines des sources à Kirundo évoquent déjà le vice de procédure dans ce dossier. Le magistrat a été arrêté en violation de la loi car il jouit du privilège de juridiction. En cas d'infraction, personne ne peut brandir de privilège. La loi s'applique à tous, d'après Salomon Nibigira, procureur près la cour d'appel de Ngozi. Il confirme la détention de ce magistrat pour des raisons d'enquête. Ce dossier sera vite présenté devant le juge et franchi en flagrance, précise le même procureur. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga Radio Isanganiro. Merci à Dieudonné. Un corps sans vie d'un motard a été retrouvé ce lundi matin sur la colline Kilgiama. Nous sommes dans la commune Gasorgwe de la province de Muyinga, au nord du pays. Jean-Claude Ewaltwanayo, administrateur de la commune Gasorgwe, indique que la victime a été poignardée par des malfaiteurs qui ont pris le large avec la moto. Les enquêtes sont déjà en cours pour tenter de retrouver la moto et les auteurs du crime. Sécurité encore, un corps sans vie d'un nouveau-né a été retrouvé hier dimanche dans la soirée dans une brousse sur la colline Utavuka en commune Rugazi de la province de Bubanza. Les administratifs à la base disent que l'auteur du crime, qui serait la mère de l'enfant, n'est pas encore connu et que les enquêtes ont déjà commencé pour pouvoir l'identifier et le traduire en justice. Les habitants de la colline Mukara, en commune Mugamba de la province de Bururi, ont passé la nuit de dimanche à lundi sous tension. Des tirs nourris ont en effet été entendus sur cette colline autour de 20 heures. Des informations en provenance de Mukara indiquent que c'était des militaires qui étaient à la recherche d'un homme inconnu qui les a inquiétés et qui était de passage dans cette localité, Jean-Pierre Misago. Selon certains habitants de Choma, personne ne pouvait oser sortir de sa maison ou encore moins s'endormir à partir de 20h20 de ce dimanche. Plusieurs coups de feu tirés par une patrouille militaire à partir de la route numéro 7 reliant Bujumbura à Matana ont en effet duré pendant plus d'une quarantaine de minutes, créant une panique au sein de la population de Choma. Le matin de ce lundi, les habitants de Mukara ont appris qu'un jeune homme qui proviendrait de Mwaro et qui a tenté de fuir à la rencontre de ses militaires en patrouille a été arrêté au prix de ses coups de feu. Alors que les militaires le conduisaient au poste de police de Mugamba ce matin, les habitants de Mukara interrogés disent qu'ils ne l'ont pas reconnu. Au moment où ces habitants de Mugamba sont inquiets de l'insécurité devenue monnaie courante ces derniers jours dans cette commune, le gouverneur de Bururi leur demande plutôt de se désolidariser avec les groupes armés pour recouvrer définitivement la paix et la sécurité. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. En page économie, 4,5 milliards, c'est la somme déjà recouvrée en émoi par la Régie des eaux. C'est après que le directeur général de cette société de distribution d'eau et de l'électricité ait parcouru différentes sociétés et institutions pour leur demander de régler leurs factures impayées. Jéroboam Nzikowanyanga, directeur général de la Régie des eaux, se dit confiant qu'en ayant une année, il aura recouvré les 60 milliards de francs burundais que des institutions, sociétés et particuliers doivent à la société qu'il dirige. Le directeur général de la Régie des eaux promet que cette société est en train de faire des pieds et des mains pour alléger le délestage pendant cette saison sèche. Ne vous saurez que 60 milliards de francs burundais de dette représentent plus d'un budget annuel de la Régie des eaux. Le sucre pourra être disponible à mairie de Bujumbura d'ici mercredi de cette semaine. C'est la déclaration du maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonimpa, qui indique que le rendez-vous de 2 semaines qu'il avait donné la fois dernière n'a pas été respecté parce que la Sosumo leur a exigé la liste des personnes qui font le commerce de sucre. Ils sont en train de terminer ces listes pour les acheminer vers la Sosumo, informe le maire de la ville de Bujumbura, qui précise par ailleurs que les boulangeries et autres grands magasins ont déjà reçu ce produit. Il a été joint au téléphone par Marie-Ange Nzeiman. Oui, effectivement, nous avions promis que dans 2 semaines, le sucre sera sur le marché. Et nous pensons que même aujourd'hui, le sucre, il est déjà là au niveau de la Sosumo. Mais nous avions connu un problème parce que l'identification ne nous a pas été très facile. Parce qu'on devrait réellement se rassurer qu'ils sont des commerçants. Leur demander de disponibiliser les registres de commerce, les numéros d'identification fiscale. C'est cela qui a fait traîner qu'on ne puisse pas avoir les listes à temps. Mais je crois que les dernières listes nous parviennent cet après-midi pour qu'on puisse les transmettre et donner à la Sosumo et que mercredi, ils puissent avoir le sucre. Mais toutefois, nous avons demandé à la direction commerciale de distribuer le sucre au niveau des alimentations, au niveau des boulangeries. Je crois que maintenant, ils sont servis. Alors pour la population, ils vont en avoir mercredi, si rien ne change. Qui va servir ces listes? Ces listes, c'est pour bien se rassurer les vrais bénéficiaires et de pouvoir contrôler la chaîne de commercialisation pour qu'il n'y ait plus de fuite. Alors qu'avant, on ne savait pas les commerçants qui vendaient le sucre. Alors maintenant, on saura les listes et on va transmettre ces listes même au niveau du ministère de l'Intérieur, de la formation patriotique, pour que tout le monde sache les vrais commerçants. Rappelons que le ministère du Commerce a sorti un communiqué de presse vers la fin de la semaine dernière pour informer l'opinion sur la hausse officielle du prix du sucre, passant de 1750 francs à 1900 francs burundais le kilo. Certains des commerçants ambulants récemment chassés des environs de l'ancien marché central de Bujumbura vaquent aux activités au marché de Buyenzi City Market, dit chez Sion, et d'autres au marché Kotebu. Ces commerçants indiquent aujourd'hui qu'ils ne travaillent pas comme à l'accoutumée. Évariste Nziko Anyanga a fait le tour de ces deux marchés. Son reportage. Ces commerçants récemment sommés de quitter les alentours de l'ancien marché central de Bujumbura, certains l'ont pu les retrouver au marché Buyenzi City Market, dit chez Sion. La plupart vendent des friperies dans ce marché d'un opérateur privé. Certains des commerçants rencontrés nous ont indiqué qu'ils sont dans une période d'essai avant paiement de toute taxe et s'en réjouissent malgré qu'ils ne vendent pas comme à l'accoutumée. Ces mêmes commerçants demandent la réhabilitation de l'ex-marché central de Bujumbura afin que les anciens occupants trouvent où vendre comme avant l'incident qui a réduit en cendres les marchandises. Les autres commerçants qui ont répondu à l'appel du maire de la ville de Bujumbura, on les retrouve au marché Kotebu. Ces derniers y vendent des poules, des fruits, des légumes et des habits. Ils opèrent à l'extérieur du dit marché, sur le trottoir précisément. Les clients viennent à compte-gouttes selon les commerçants qui ont de l'espoir que dans les jours à venir, ils auront une clientèle abondante comme avant au centre-ville. Ces anciens commerçants ambulants du centre-ville appellent aux vendeurs aujourd'hui qui se regardent toujours en chaîne de faïence avec les policiers aux environs de l'ancien marché central de Bujumbura de les rejoindre pour rendre formel le petit commerce. Merci Évariste. Et le bureau de la préfecture des études et du lycée de la persévérance de Mouya en province de Gitega et la salle des professeurs de la dite école ont pris feu hier dimanche dans l'après-midi. L'origine de cet incendie serait un court-circuit qui est survenu d'un atelier de couture se trouvant à côté de ces locaux. Les dégâts sont constitués principalement de bulletins et de manuels scolaires pour les écoles fondamentales du ressort de ce lycée dont le nombre n'est pas encore connu. Les précisions d'Arthur Kavaouchi depuis Gitega. Les locaux qui ont pris feu sont au nombre de 3 et sont séparés par des murs. Comme le dit certains professeurs qui étaient sur place, c'était hier vers 15h lorsque l'incendie a éclaté depuis l'atelier de couture. Ces professeurs font savoir que l'origine de cet incendie serait un court-circuit qui a fait que les pagnes qui étaient dans cet atelier de couture ont vite propagé l'incendie vers le bureau de la préfecture des études où sont conservés les bulletins et les manuels pour élèves. Cet incendie n'a pas non plus épargné la salle des professeurs. Comme ces professeurs le disent, l'atelier de couture qui visiblement a été endommagé, car la toiture n'est plus ainsi que les vitres qui ont été cassées, il y avait des pagnes ainsi que d'autres vêtements. Ils ont indiqué que ce sont ces pagnes et vêtements qui auraient fait que cet incendie se propage vite, atteignant la préfecture des études et la salle des professeurs. Mania Bonale Okadi est directrice au lycée communal de la Persévérance d'Omnéa. Elle souligne qu'il est encore tôt pour connaître les dégâts. La directrice de ce lycée a dit que les sapeurs-pompiers sont arrivés vers 17h. Mania Bonale Okadi a tenu une réunion d'urgence à l'intention des professeurs pour voir ensemble ce qu'il faut faire. Elle a indiqué qu'elle va demander au directeur communal de l'enseignement à Gitega afin de lui aider à chercher d'autres bulletins car il coûte cher et que l'école n'a pas les moyens suffisants pour acheter ses bulletins et manuels pour élèves. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci à Arthur. L'administrateur communal de Lugombo en province de Cibitoke appelle la population de sa commune à ne plus commettre des crimes à l'endroit de ceux qu'il qualifie de sorciers. Béatrice Kadeli le dit après qu'un homme et sa femme aient été tués à Marambo par un malfaiteur qui leur a lancé une grenade dans la nuit de samedi à dimanche. Pour cette autorité communale, la population doit faire attention à ces accusations qui risquent de mettre tout le monde en danger. Suivez. Il y a un homme et sa femme qui sont morts d'une grenade lancée. Nous sommes vraiment dans une bonne situation. Normalement, la sécurité dans notre commune est totale, à part que c'est cette situation qui est arrivée avant-hier. Sinon, on dirait que ça va. Est-ce que ce sont des cas qui sont fréquents dans votre commune? Il y a des tracts qui se rendent d'un moment à l'autre, disant qu'il y a des gens qui sont des sorcelleries. Mais on essaie de faire des réunions pour quand même empêcher les gens de dire des choses pareilles. Il ne faut pas dire qu'il y a des gens qui font des sorcelleries. À la population, c'est de s'unir, de garder l'amour entre eux et de ne pas perturber la sécurité. Béatrice Kadeli, administrateur communal de Rugombo, a été joint au téléphone par Francine Ndihokugayo. Parlons sport. Aujourd'hui, le football, ça se construit. C'est pas le jour où tu mets en place une équipe et espérer de gagner le match demain. Tels sont les propos d'Alain Olivier Niyungé, co-technicien du Ballon Rond. Ces propos viennent au moment où les grandes formations européennes ont été disqualifiées pour le dernier carré de la phase finale de l'Euro 2016. Les détails avec Balan Havzaliman. Au moment où la phase finale de l'Euro 2016 atteint les demi-finales, on remarque la disqualification des grandes formations qui étaient favorites de ce tournoi, comme l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie. Pour Olivier Niungeko, technicien du ballon rond, c'est pas une surprise. Il faut savoir que le football se construit à partir de bas âge. Selon toujours Olivier Niungeko, au football, on récolte ce qu'on a semé. Aujourd'hui, le football, ça se construit. C'est pas que tu vas mettre l'équipe aujourd'hui et espérer de gagner le match demain. Il faut préparer à l'avance. Même les gens qui ont préparé, ils ont perdu. C'est-à-dire, c'est un grand travail. Pour moi, ce n'est pas des surprises. Ce sont des choses qu'on a construites. Peut-être que ces mêmes pays qu'on dirait que ce sont des grands pays de football. Mais aujourd'hui, il y a les autres pays comme le pays des Galles, comme l'Irlande du Nord. Ils sont en train de nous faire des surprises. Mais on ne dira pas des surprises. C'est le travail qui a payé. Aujourd'hui, dans le football, il n'y a pas de surprises. Ce que vous avez semé, c'est ce que vous allez récolter. Vous saurez qu'en demi-finale est programmée pour ce mercredi 6 juillet 2016 et ce jeudi 7 juillet, le Portugal croisera le fer contre les pays de Galles alors que l'Allemagne, qui reste la formation favorite selon plusieurs analystes du football, jouera contre la France, pays organisateur de l'Euro 2016. Balan Havzaliman. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mité aussi pour la parfaite collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir. Léonce Vitaliho.